musique. Et il répète ses mots sans suite et sans logique. Plus heureux. tournée générale. On écrit sur les murs le nom de ceux qu'on aime, des messages pour les jours à venir. On écrit sur les murs à l'encre de nos veines, on dessine tout ce que l'on voudrait dire. Partout autour de nous, y a des signes d'espoir dans les regards. Nos noms l'a écrit, car dans la nuit tout s'efface. Qu'on aime, des messages pour les jours à venir. On écrit sur les murs à l'encre de nos veines, on dessine tout ce que l'on voudrait dire. On écrit sur les murs. Tout simplement, il s'appelle Seb, et voici une des chansons, et on écoutera l'autre titre tout à l'heure, et puis donc voici, et après, Marc Lawan. Je te mentirais si je te disais que j'y ai pas pensé, si je te disais que j'ai pas voulu retenir le nom de sa rue. Si je te disais mon amour, que j'ai rien senti, rien entendu de ses non-dits, qu'à ses silences j'ai pas souri, je te mentirais, je te mentirais. Je tombe Est-ce que tu me regarderas? Est-ce que tu seras en bas pour m'emmener là où je ne sais pas, là où je ne vais pas? Alors vite, je tombe comme un pantin sans fil, trop libre et trop fragile. Je cherche ta main dans les nuages pour chasser son image. Je te mentirais si je te disais au fond des yeux que t'es la monteur de poulet, que cette vie ne fait que passer. Je te mentirais. Et pourtant moi je me suis menti de nous croire tellement à l'abri, de nous voir plus fort que la vie. Mais ces choses-là, on ne les sait pas. Vite, je tombe. Est-ce que tu seras en bas? Est-ce que tu m'attendras pour m'emmener là où je ne sais pas, pour me ramener vers toi? Alors vite, je tombe comme un pantin sans fil, notre histoire qui défile. Je cherche ta main dans les nuages pour pas tourner la page. Je te mentirai, mais à qui d'autre pourrais-je le dire sans cette fois vraiment te trahir? Le silence est parfois pire. Vite, je tombe. Est-ce que tu seras en bas? Est-ce que tu me ramasseras pour m'emmener là où je ne sais pas, pour me ramener vers toi? Alors vite, je tombe comme un oiseau voleur, touché là en plein cœur, et qui se demande encore pourquoi il est passé par là.

across the room. Once they were close and they shared all their dreams, but now all he feels is a physical thing. They grow slowly apart and the guitar don't lie. It gets cold and it makes him aware the time's moving on and it's slipping away. And if you look close at his dark curly hair under the light. Arc-en-ciel, arc-en-ciel, en harmonie, la FM en couleur, en couleur. He knows what it's all about. Feeling down and out, 'cause he's been there before and he's seen it all. And you learn to survive with your back to the wall. It's a crazy old life and the guitar don't lie. The guitar don't lie. Pour toi. Une radio pour moi. Notre radio. Radio Arc-en-Ciel. Un déclic, puis une surprise après, puis suivi d'une autre amie avec Lily Harmony, le titre tout simplement L'amour magique. Donc, eh bien, bisous à tous, à vous deux, et puis donc voici les titres différents. Bonjour, c'est Lily sur Radio Arc-en-Ciel. Qu'ai-je à redouter? Je veux changer. Je veux plus me cacher, ni pour rire, ni pour pleurer. Je veux faire ce qui me plaît sans crainte d'être jugée. Je préfère être différente plutôt que transparente. Oui, je vais exister. Spectateur,

volvió a sonar y me dijo ya a mí mismo que topo del cielo. Ella se me una vela y nuestra de camino. Soy vos el corredor y yo te dije diciendo, welcome to the Hotel California. Such a lovely place, such a lovely place. Welcome to the Hotel California. Such a lovely place, such a lovely place, such a lovely place. Cuando va en el patio, perfuma de verano, hay que verla para recordar y otra para olvidar. Le pide el capitán que sirva el vino, y me dijo no hemos tenido el talcón. Desde sentí de nueve, la voz sigue llamando, desde yo a despertar, la noche para decir, welcome to the hotel. Such a lovely place, such a lovely place, such a lovely place. Welcome to the Hotel California. Such a lovely place, such a lovely place, such a lovely place. En el espejo, en el techo, ni champana ni el hielo. Y ella dijo, somos todos prisioneros por propia voluntad. Y a los cuatro principales hacen su siesta, atacan a la bestia, pero no la logra matar. Mi último recuerdo, corría de la puerta, debió encontrar el camino por donde había llegado. El hacendado portero, con eso no recibir, puede salir cuando quiere, pero nunca de partir. Welcome to the Hotel California. Such a lovely place, such a lovely place, such a lovely place. Welcome to the Hotel California. Such a lovely place, such a lovely place, such a lovely place. Pas sur l'eau.

Le ruisselet au large s'en est allé. Arc-en-ciel. We'll be right back. Qu'une fille de l'ombre

sur le canal. Ah, jusqu'au petit jour, des chansons velours, des millions d'étoiles. Un carnaval d'amour, oh, où tu conduis le bal. Ah, et le bonheur qui fait battre le cœur du carnaval. Et le bonheur qui fait battre le cœur du carnaval. Un rêve enfoui en nous qui fait qu'on se lève et tient debout. Une envie soudaine de crier je t'aime. On a tous un jour voulu briser nos chaînes. Puisqu'on se ressemble comme un seul être, pour te faire comprendre, tu as bien le droit de te faire entendre. Cette planète où tout commence, nous ferons renaître l'espérance. Il n'y a pas de route qui ne vaille la peine. Ils n'ont pas de doute, c'est qui sait. Oh, c'est qui sait. Paix sur la terre, paix dans nos cœurs. Notre monde. sans contour. Quand ça me plaît plus, j'efface tout et je recommence. Avec d'autres maisons et d'autres animaux. Ce matin, j'imagine un pays sans nuages. Où tous les perroquets ne vivent plus en cage. Des jaunes, des verts, des blancs, je fais ce qui me plaît. Car c'est comme ça que j'imagine un monde parfait. Imagine un monde parfait. Ah, avec un oiseau, un enfant, une chèvre, un crocodile, une vache, du soleil. Ah, moi aussi ce soir je m'endors au pays des merveilles. Dernière fois à Nashville.

Je m'en fous, je vais kidnapper. Même si tes copines sont jalouses, oui, je m'en fous, c'est ton bouche que je fais. Ton passe à bailler, je fais le travail. Ton passe à bailler, il va me tuer. Ce soir, ton jarre, vas-y sur le bail. Ce soir, ton jarre, vas-y sur le bail. Ce soir, ton jarre, vas-y sur le bail. Que pasó, ya me acostumbré. Dímelo, mami, ya me acostumbré. Dale como reggaeton, acostumbré. Que coloría, que fantasía. Chévere esta música, la mía. Hay animación, ven aquí, amiga. Vuelve tu cuerpo, tu anatomía. Ça m'a fait du bien, trop de go. L'ambiance est chic, c'est le fuego. Et vous t'en viens pour faire le show. Si tu peux te compresser, dis-moi dans mon lit. Thank you.